21-14, activation orale, utilité. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. Une calculatrice. Est-ce que c'est utile? Et vous voyez. Oui, pour faire des additions, des soustractions. Alors vous répondez. Oui, ça sert à faire des additions, des soustractions. Ou bien vous entendez. 2. Une fleur. Est-ce que c'est utile? Vous voyez. Non. Alors vous répondez. Non, ça ne sert à rien. Mais ça sent bon. Allons-y. 3. Des lunettes. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à lire. 4. Un crayon. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à écrire. 5. Et fumer. Une cigarette, par exemple. Est-ce que c'est utile? Non, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est dangereux pour la santé. 6. Une calculatrice. Est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à faire des multiplications, des divisions, tout ça. 7. Une cravate. Est-ce que c'est utile? Non, ça ne sert à rien, mais c'est joli. 8. Mais une montre, est-ce que c'est utile? Oui, ça sert à savoir l'heure.